pourrais avoir le regard d'un aigle. Je ne suis qu'un homme aux yeux d'enfant. On veut si fort et on est si faible. Est-ce qu'on se donne? Est-ce qu'on se vend? Est-ce que le môme que j'étais fait la grimace? J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. Est-ce que mon clone aurait fait mieux à ma place? J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. J'aimerais pouvoir embellir le monde, mais j'ai la gomme, pas les couleurs. Mettre la honte et la haine à l'ombre, faudrait que je commence par mon cœur. Est-ce que le monde que j'étais fait la grimace? J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. Est-ce que mon clone aurait fait mieux à ma place? J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. Toute la vie, on meurt d'envie d'accomplir nos rêves d'ado. Et on rame de toute notre âme, exilé d'Eldorado. J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. Est-ce que le monde que j'étais fait la grimace? J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir. Est-ce que mon clone aurait fait mieux à ma place? J'aimerais bien voir, j'aimerais savoir.